Anamalai Swami. Ultimes enseignements. Traduction de Bruno Léger. Entretien numéro 1. Le mental n'est qu'une ombre. Les tentatives pour l'attraper et le contrôler sont vaines. Ce ne sont que des ombres qui poursuivent d'autres ombres. Vous ne pouvez pas contrôler ou éliminer une ombre en la poursuivant ou en posant une main d'ombre dessus. Ce ne sont que des jeux d'enfants. Ram Tirtha a raconté un jour l'histoire d'un petit garçon qui courait dans la rue, essayant d'attraper la tête de son ombre. Il n'y parvenait jamais, car peu importe à quelle vitesse il courait, l'ombre de sa tête était toujours quelques mètres devant lui. Sa mère, qui le regardait en riant, lui a crié « Mets ta main sur ta tête !» Lorsque le garçon a suivi cette instruction, la main de l'ombre a attrapé la tête de l'ombre. Cela a suffi à satisfaire le garçon. Ce genre de conseil peut suffire à rendre les enfants heureux, mais il ne donnera pas de résultats satisfaisants dans le domaine de la sadhana et de la méditation. Ne poursuivez pas vos pensées fantômes et votre mental fantôme avec des techniques de contrôle mental, car ces techniques sont elles aussi des fantômes. Revenez plutôt à la source du mental fantôme et restez-y. Lorsque vous demeurerez en cet endroit, vous serez heureux, et le désir de poursuivre vos pensées fantômes aura disparu. Bhagavan racontait souvent l'histoire d'un homme qui essayait de se débarrasser de son ombre en l'enterrant dans un trou. Cet homme creusa un trou, puis se tint debout au bord de celui-ci de manière à ce que son ombre soit projetée au fond du trou qu'il venait de creuser. Après l'avoir aligné de cette manière, il commença à jeter de la terre sur l'ombre afin de tenter de l'ensevelir. Bien entendu, quelle que soit la quantité de terre qu'il mettait dans le trou, l'ombre restait toujours au-dessus. Votre mental est une ombre insubstantielle qui vous suivra partout où vous irez. Les tentatives pour l'éliminer ou le contrôler ne peuvent aboutir tant que vous croyez que l'esprit est réel et qu'il peut être contrôlé par l'activité physique ou mentale. Mais cet esprit fantôme doit tout de même être éliminé d'une manière ou d'une autre, non? Lorsque la réalisation du soi se produit, le mental n'est plus là. Cependant, vous n'obtenez pas la réalisation du soi en vous débarrassant du mental. Elle se produit lorsque vous comprenez et savez que le mental n'a jamais existé. C'est la reconnaissance de ce qui est réel et vrai, et l'abandon des idées erronées au sujet de la réalité et de la substantialité de cette ombre éphémère que vous appelez mental ou esprit. C'est pourquoi Bhagavan et de nombreux autres enseignants ont continué à évoquer l'analogie du serpent et de la corde. Si vous confondez une corde sur le sol avec un serpent, le serpent n'existe que comme une idée dans votre mental. Cette idée peut vous causer beaucoup d'inquiétude et d'anxiété, et vous pouvez gaspiller beaucoup d'énergie mentale à vous demander comment éviter le serpent ou le tuer. Mais le fait demeure. Il n'y a pas de serpent en dehors de votre imagination. Lorsque vous voyez la corde, le substrat sur lequel votre fausse idée d'un serpent est superposée, l'idée qu'il y a un serpent et qu'il est réel disparaît instantanément. Ce n'est pas un vrai serpent qui a disparu. La seule chose qui a disparu est une idée erronée. Le substrat sur lequel la fausse idée du mental s'est superposée est le soi. Lorsque vous voyez le mental, Le soi, le substrat sous-jacent, n'est pas vu. Il est caché par une idée fausse mais persistante. Et inversement, lorsque le soi est vu, il n'y a pas de mental. Mais comment abandonner cette fausse idée que le mental est réel ? De la même manière que vous abandonnez toute idée erronée. Cessez simplement d'y croire. Si cela ne se produit pas spontanément lorsque vous entendez la vérité de la bouche d'un enseignant, continuez à vous répéter intérieurement « Je ne suis pas le mental. Je ne suis pas le mental. Il n'y a pas de mental. Il n'y a pas de mental. Seule la conscience existe. » Si vous avez la ferme conviction que c'est la vérité, un jour, cette ferme conviction mûrira au point de devenir votre expérience directe. Seule la conscience existe. Autrement dit, tout ce qui existe n'est que conscience. Gardez cela à l'esprit et ne vous permettez pas de considérer quoi que ce soit d'autre comme réel. Si vous échouez et accordez ne serait-ce qu'un peu de réalité à l'esprit, cela deviendra votre propre réalité erronée. Une fois que cette identification erronée initiale, quand vous vous dites « je suis le mental est réel », s'est produite, des problèmes et des souffrances s'en suivront. N'ayez pas peur du mental. C'est un faux tigre, pas un vrai. Ce qui n'est pas réel ne peut pas vous nuire. La peur et l'anxiété peuvent vous envahir si vous croyez qu'il y a un vrai tigre dans votre voisinage. Quelqu'un peut faire des bruits de tigre pour vous faire peur. Mais lorsqu'il se révèle, toutes vos peurs disparaissent car vous comprenez soudainement qu'il n'y a jamais eu de tigre en dehors de votre imagination. On peut avoir une expérience temporaire du soi, la réalité sous-jacente. Mais ensuite, elle disparaît. Pouvez-vous donner des conseils sur la manière de stabiliser cet état ? Une lampe allumée peut s'éteindre si le vent est fort. Si vous voulez la revoir, vous devez la rallumer. Mais le soi n'est pas comme cela. Ce n'est pas une flamme qui peut être éteinte par les vents passagers, des pensées et des désirs. Il est toujours lumineux. Toujours brillant, toujours présent. Si vous n'en êtes pas conscient, cela signifie que vous avez placé un rideau ou un voile devant lui qui vous empêche de le voir. Le soi ne se cache pas derrière un rideau. C'est vous qui placez le rideau là en croyant à des idées qui ne sont pas vraies. Si le rideau s'ouvre puis se referme, cela signifie que vous croyez toujours à des idées erronées. Si vous les avez complètement éradiquées, elles ne réapparaîtront pas. Tant que ces idées recouvrent le soi, vous devez continuer à pratiquer une sadhana constante. Pour en revenir à votre question, le soi n'a pas besoin de se stabiliser. Il est plein et complet en lui-même. L'esprit peut être stabilisé ou déstabilisé, mais pas le soi. Par sadhana constante, entendez-vous l'enquête sur soi ? Oui. Grâce à la force de la pratique, en accomplissant cette sadhana, ce voile sera complètement levé. Il n'y aura plus d'obstacles. Vous pouvez aller au sommet d'Arunachala, mais si vous n'êtes pas vigilant, si vous ne faites pas attention, vous risquez de glisser et de vous retrouver à Isanyamat. Note de l'éditeur, Isanyamat est une institution hindoue située au pied d'Arunachala. Fin de la note. Vous devez faire un effort énorme pour réaliser le soi. Il est très facile de s'arrêter en chemin et de retomber dans l'ignorance. À tout moment, vous pouvez retomber. Vous devez faire un effort considérable et déterminé pour demeurer au sommet lorsque vous l'atteignez pour la première fois. mais finalement, le moment viendra où vous serez pleinement établi dans le soi. Lorsque cela se produira, vous ne pourrez plus retomber. Vous avez atteint votre destination et aucun effort supplémentaire n'est nécessaire. Jusqu'à ce que ce moment arrive, une sadhana constante est indispensable. Est-il important d'avoir un gourou à ce stade pendant cette période où un effort constant est nécessaire? Oui, le gourou vous guide et vous dit que ce que vous avez fait n'est pas suffisant. Si vous remplissez un seau d'eau, vous pouvez toujours en ajouter s'il reste de la place. Mais lorsqu'il est complètement plein, à déborder, il est inutile d'ajouter ne serait-ce qu'une seule goutte. Vous pouvez penser que vous en avez fait assez et croire que votre seau est plein. Mais le gourou est mieux placé pour voir qu'il reste de la place et qu'il faut ajouter davantage d'eau. Ne vous fiez pas à votre propre jugement dans ce domaine. L'état que vous avez atteint peut sembler complet et définitif, mais si le gourou dit « vous avez besoin de plus de sadhana », alors faites-lui confiance et poursuivez vos efforts. Bhagavan disait souvent « le gourou physique est à l'extérieur. Il vous dit quoi faire et vous pousse vers le soi. Le gourou intérieur, le soi qui est en vous, vous attire simultanément vers lui. Une fois que vous êtes établi dans le gourou intérieur, le soi, la distinction entre le gourou et le disciple disparaît. Dans cet état, vous n'avez plus besoin de l'aide d'aucun gourou. Vous êtes cela, le soi. Jusqu'à ce que la rivière atteigne l'océan, elle est obligée de continuer à couler. Mais lorsqu'elle arrive à l'océan, elle devient océan. Et le flux s'arrête. L'eau de la rivière provenait à l'origine de l'océan. En coulant, elle ne fait que retourner à sa source. Lorsque vous méditez ou pratiquez la sadhana, vous retournez à la source d'où vous venez. Après avoir atteint cette source, vous découvrez que tout ce qui existe, le monde, le gourou, le mental, est un. Aucune différence ni distinction n'apparaît là. La non-dualité est jñāna. La dualité est samsara. Si vous pouvez abandonner la dualité, seul Brahman demeure, et vous savez que vous êtes ce Brahman. Mais pour faire cette découverte, une méditation continue est nécessaire. Ne consacrez pas seulement certaines périodes à cela. Ne considérez pas cela comme quelque chose que vous faites lorsque vous êtes assis les yeux fermés. Cette méditation doit être continue. Faites-la pendant que vous mangez, marchez et même parlez. Elle doit être pratiquée en permanence.